ni Belle, ni Vigila. La mise en onde est assurée par Albert Ndouayo. Bonjour et bienvenue à cette actualité de la mi-journée de ce 6 juillet 2019, dont voici tout d'abord les principaux titres. Le Conseil des ministres de ce mercredi a analysé la réduction des disparités salariales. Vous entendrez le compte rendu de porte-parole de secrétaire général du gouvernement. Et être handicapé ne signifie pas qu'une personne devient incapable ou inutile pour la société. C'est ce qui est dit par l'un des personnes vivant avec handicap qui a pour métier la fabrication des sachets biodégradables. Et vous entendrez également l'actualité en rapport avec la musique où Mathias Mijugiro, un artiste bondé qui joue un instrument traditionnel dit Omodori, déplore le manque ou plutôt l'insuffisance d'appui du gouvernement lorsqu'il représente le Burundi à l'extérieur du pays. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Je vous le disais tout à l'heure, la réduction des disparités salariales est l'un des points qui ont été analysés au Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi. Parmi les causes évoquées, comme cela ressort d'un communiqué sanctionnel au Conseil, figure entre autres les primes dont bénéficie une certaine catégorie des fonctionnaires et les cas des administrations personnalisées qui fixent les salaires de leurs agents. Suivez plutôt Prosper Nagwamiye, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le diagnostic effectué en matière de rémunération des fonctionnaires et agents civils de l'État montre qu'elle comporte de nombreuses disparités causées par une multiplicité de primes et indemnités octroyées de façon catégorielle qui ne sont pas souvent conformes à celles prévues par le statut des fonctionnaires. Deuxièmement, l'existence d'avantages indiciaires accordés à certaines catégories de fonctionnaires dès le recrutement. Troisièmement, le cas des administrations personnalisées de l'État qui, au nom de leur autonomie, sont libres de fixer les rémunérations de leurs agents. Cette situation a créé des frustrations pour certaines catégories de fonctionnaires qui ont conduit à des revendications répétitives pour réclamer une harmonisation des salaires. Face à cette situation, une solution provisoire a été trouvée avec la création d'une indemnisation d'ajustement salarial en 2016 avec un budget de 20 milliards par an pour une période de 4 ans. L'échéance de 2020 a été fixée pour qu'une politique salariale rétablissant les bases d'une rémunération équitable et durable vienne résoudre définitivement la question. C'est cette politique qui est proposée ici. En élaborant cette politique salariale, le souci est, d'une part, de reconstruire un système d'équité dynamique pour la rémunération des fonctionnaires et d'autre part, d'accompagner les réformes déjà engagées. En effet, cette politique repose sur la politique de gestion des performances dans le secteur public adoptée par le gouvernement en 2014, ainsi que sur la classification des emplois, des fonctions et des métiers dans l'administration publique prévue par le Programme national de réforme de l'administration qui constitue la base des innovations que la politique propose. À l'issue des débats, le Conseil a constaté que le projet nécessitait d'être encore une fois retravaillé pour une meilleure compréhension. Une équipe a été désignée à cet effet et le dossier sera ramené en Conseil des ministres dans un délai des mois. Prosper Nagwamiye, il est secrétaire général du gouvernement et porte-parole. La création d'une grande cour commerciale qui s'occupera des contentieux de plus de 10 millions de nos francs, l'insertion des chambres commerciales dans les juridictions ordinaires, telles sont certaines des recommandations formulées ce vendredi à la fin d'un atelier de validation de l'étude diagnostic et évaluation du fonctionnement de la justice commerciale burundaise. Les participants à cet atelier espèrent que les jugements relatifs aux affaires commerciales seront désormais rapides, aussitôt que ces recommandations seront mises en application. Gérard Nibigira, correspondance. Certaines des recommandations formulées dans cet atelier de 2 jours qui a pris fin ce vendredi sont entre autres la création d'une grande cour commerciale et l'insertion des chambres commerciales dans des juridictions ordinaires, comme l'indique Emmanuel Caguissien, un consultant qui a présenté l'étude des diagnostics et évaluation du fonctionnement de la justice commerciale au Burundi. L'étude a abouti à la formulation de 4 axes de réforme. D'abord, il faut moderniser le cadre juridique de la justice commerciale. Ensuite, il faut réformer le cadre institutionnel de la justice commerciale. Troisièmement, il faut renforcer les moyens de la justice commerciale. Et enfin, il faut professionnaliser la justice commerciale. Donc, la grande réforme, c'est la création d'une grande cour de commerce. Et au niveau des juridictions ordinaires, on va créer des chambres commerciales qui vont connaître les affaires inférieures à 10 millions qu'on qualifie de petites affaires. Pour plus de 10 millions, les commerçants devront se rendre à la cour commerciale du Burundi. Les participants à cet atelier espèrent que les jugements des affaires commerciales seront désormais rapides. Si on parvient à appliquer les solutions proposées, nous pensons, nous sommes même convaincus qu'il y aurait en plus dans la rapidité de rendre les jugements. Parce que un jugement qui passe 3 ans, 4 ans ou même plus peut couler facilement et faire tomber en faillite la personne qui a porté plainte. Et cela affecte et le justiciable et sa famille et l'État qui percevait un impôt sur l'entreprise. Maintenant, on aura formé des juges, on aura spécialisé les juges, on aura vulgarisé la loi auprès des justiciables et on aura approché les juridictions commerciales à ces justiciables. Pour que les recommandations de cet atelier soient mises en application, il faudra une certaine réforme au niveau de la loi en général, ce qui est une affaire du gouvernement et du Parlement. Il faut aussi un montant de plus de 30 milliards de nos francs, comme ça a été conclu dans l'atelier. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Après une courte pause, page éducation, rendez-vous. Isanganiro. À 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro, le recteur de l'université du Burundi appelle les étudiants du campus de Dzégué en province Gitega. De cette même université au calme, François Vialimana le dit au moment où l'après-midi de ce vendredi, 5 étudiants de ce campus ont été arrêtés par la police à Gitega. Suivez François Vialimana, recteur de l'université du Burundi. C'est vrai que hier il y a une groupe d'étudiants qui a été arrêté par la police. Ces étudiants étaient en train de perturber l'ordre et la sécurité et au poste de Gitega. C'est la raison pour laquelle ils ont été arrêtés par la police pour que la sécurité reste maintenue dans cet endroit. Aux étudiants de Dzégué, c'est d'abord de les demander de rester très calmes. Parce que s'il y a un problème de prêt boursier qui a eu lieu à la poste, je pense que ce n'est pas par la force qu'ils vont résoudre ce problème. Ce problème va être résolu par une collaboration entre les représentants des étudiants et la poste. Parce que si l'Université du Burundi a déjà transmis la liste de ceux qui vont bénéficier du prêt bourse, c'est qu'ils vont avoir réellement ce prêt bourse. Il y a eu un petit problème, je dirais, technique, et je ne pense même pas qu'il y a eu ce problème technique à la poste. Je ne pense pas qu'ils doivent recourir à la force pour réclamer leur droit. Je précise que je ne sais même pas s'il y a un problème entre les étudiants et la poste de Gitega. Sinon, entre les étudiants et l'Université du Burundi, il n'y a aucun problème. Quant à la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux comme quoi au campus Mutanga de cette université, il y aurait des échauffourées entre les étudiants et la police, le professeur François Vialimana tranquillise. Toutefois, il ignore les mobiles de ceux qui propagent cette vidéo. Encore une fois, le recteur de l'Université du Burundi. Je suis au campus Mutanga dans mon bureau depuis ce matin jusqu'à maintenant. À l'heure où je vous parle, je suis toujours au bureau. C'est la sécurité qui règne, en tout cas, dans tous les campus de l'Université du Burundi. Il n'y a aucun problème. Ceux qui ont fait circuler cette vidéo, je pense que vraiment c'est pour des mobiles inavoués qu'ils ont fait circuler cette vidéo. Et je pense qu'il faudrait d'abord voir quel est le lien qui existe entre ceux qui font circuler cette vidéo et la perturbation de la sécurité de la poste à Gitega par un groupe d'étudiants du campus. François Habyarimana, il est recteur de l'Université du Burundi. Il a été joint au téléphone par notre confrère Moïse Misago. Et le palmier à huile est une plante qui a besoin de grands espaces et provoque par conséquent les aiguilletés des terres réservées aux cultures vivrières. Les moniteurs agricoles dans la province de Bubanza s'en inquiètent et demandent aux autorités de prendre des mesures irrelatives et de leur côté les responsables à la direction provinciale de l'enseignement, de l'agriculture et de l'élevage recommandent à la population de respecter la mesure interdisant la plantation des palmiers à huile. Willy Ndaikeza, directeur à la direction provinciale de l'environnement, agriculture et élevage à Bubanza, met en garde les habitants de cette province qui continuent à planter cette culture Spes Caritas Cabañana. Beaucoup de palmiers à huile touffus se font remarquer sur plusieurs collines de cette province de Bubanza. Les cultivateurs contactés en commune Manda expliquent qu'ils ont planté ces palmiers à huile parce qu'ils leur procurent des revenus, mais en même temps, ils s'inquiètent des espaces pour les cultures vivrières comme le haricot, le maïs, le manioc et autres qui disparaissent de plus en plus car occupés par ces palmiers. Même inquiétude chez les moniteurs et d'autres encadreurs agricoles qui disent que les cultures vivrières peuvent manquer d'espace si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Au niveau de la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, on explique qu'il y a une mesure prise par les responsables de l'agriculture en collaboration avec les autorités provinciales il y a à peu près 2 ans, une mesure interdisant toute plantation de palmiers à huile, que ce soit dans les marais ou sur les collines. Wilinda Ikeza, directeur à la DPAE, fait savoir que le palmier occupe beaucoup d'espace cultivable au détriment des cultures vivrières, mais aussi il consomme beaucoup d'eau. Il met en garde les cultivateurs de la commune Manda qui ont dernièrement planté des palmiers à huile. Elle leur recommande de les déraciner et de les dégager de ces terrains avant que des sanctions ne soient prises. Spes Caritas Cabañana en commune Manda pour la radio Isanganiro. Merci, Spes Caritas Cabañana. Je vous l'avais dit en titre, vivre avec handicap ne signifie pas qu'une personne devient inutile pour la société. C'est ce qui est dit par une des personnes vivant avec handicap qui a pour métier la fabrication des sachets biodégradables. Il précise que grâce à son métier, aujourd'hui, il est autonome financièrement. Et son employeur, de son côté, dit que ces derniers sont capables et appellent les autres employés de ne pas les marginaliser. Les détails avec Mireille Naomi Nitegeka. Ce jeune homme vivant avec handicapé précise qu'il a commencé à travailler depuis 2015 et que les techniques qu'il utilise dans son métier, il les a appris à son lieu de travail. Il a commencé comme volontaire. Quand je suis arrivé ici, il m'a montré comment le travail se fait. Puis, j'ai commencé à apprendre et ça m'a pris peu de temps. Avec le temps que je suis ici, je suis parvenu à avoir de l'expérience du travail. On peut me lancer une commande sur une telle ou une telle autre mesure. Je la fais sans problème. Ici, nous sommes tous des jeunes. Nous travaillons dans une bonne ambiance. Il n'y a pas de discrimination comme quoi celui-ci a un handicap ou pas. Il apprécie le niveau de vie qu'il a aujourd'hui parce qu'il est indépendant financièrement et peut faire des projets d'avenir. Il lance un appel à d'autres personnes vivant avec handicapé de se trouver une activité génératrice de revenus selon leur capacité physique. La première chose qui fait ma satisfaction, c'est la reprise des études sans faire recours aux parents, même en ce qui concerne la ration. Je suis capable d'acheter du bétail et que je confie aux proches qui sont restés à l'intérieur du pays d'où je viens. Cela constitue un investissement pour l'avenir. Avoir de l'handicap, c'est quelque chose qui survient au détriment de la volonté, mais s'il s'abat à une personne intelligente, il se débrouille car un handicap s'attaque à une partie du corps, d'autres parties peuvent fonctionner. Que toute personne qui vit avec handicap cherche du travail à faire selon ses capacités motrices, car mendier n'est pas honorable. Igeni Magalité, l'employé de ces personnes vivant avec handicapé, dit que son objectif est de promouvoir les personnes vivant avec handicapé et dit être satisfait par leurs prestations. Ce jeune homme combine ses études et son travail. Le matin, se rend à l'école et les après-midi vient travailler et pendant les vacances. Et vous voudrez bien nous excuser, ce n'est pas les personnes vivant avec handicapé, ce sont les personnes qui vivent avec handicap. Et en page musicale, la musique traditionnelle n'est plus valorisée comme avant. Tels sont les propos de Mathias Semijugiro, artiste burundais qui joue un instrument musical traditionnel appelé Omuduri. Il déplore le manque ou plutôt l'insuffisance d'appui du gouvernement. Il explique qu'il vit dans des conditions misérables malgré qu'il dit avoir représenté le Burundi dans plusieurs festivals internationaux. Il demande à ce que la musique traditionnelle soit valorisée au même titre que le sport. Justicia gratia tuiket. C'est le berimbo, communément appelé Omuduri de Mijujiro Mathias, artiste sexagénaire qui joue de la musique traditionnelle. Cet habitant de Gatumba estime que les chansons traditionnelles perdent de plus en plus de l'espace. Il déplore qu'il semble avoir été mis aux oubliettes, malgré qu'il ait représenté le pays à maintes reprises. Dans les chansons traditionnelles, on insiste surtout sur le message éducatif. Mais de nos jours, le problème, c'est que les chansons qui cartonnent le plus sont les chansons d'amour et c'est ce que les jeunes journalistes apprécient. Même point de vue que d'autres artistes, y compris ses enfants, qui pensent que les artistes devaient être appuyés. Nous avons grandi voyant notre père jouer Omuduri, mais ça nous fait vraiment de la peine vu la vie que nous menons aujourd'hui. Nous sommes cultivateurs et vivons de ça. Notre père a plusieurs fois représenté le pays à l'étranger, mais à chaque fois, il revenait les mains vides. Vous voyez vous-même la maison dans laquelle nous habitons. C'est honteux pour une personne qui sert son pays. Pour eux, il devrait y avoir un fonds d'appui pour les artistes en cas de retraite. Nous-mêmes étant des artistes traditionnels burundais, les gens pensent que nous sommes trop riches et aisés. Mais quand on va dans les compétitions, on nous dit de ne pas penser à l'argent qu'on sert le pays. Ce que le ministère ayant en charge la jeunesse et le sport devrait faire, c'est d'allouer un budget comme on l'a fait pour le sport, que ce soit ainsi pour les artistes traditionnels. Par exemple, Mijujiro Mathias, c'est un homme qui a été très connu et on dirait que le pays ne le connaît pas, mais les gens le connaissent. D'une soixantaine d'années d'expérience, Mathias Mijujiro est connu pour ses célèbres chansons telles Maria Makurata, Abanywi b'Inzoga Twaragowe et autres. Merci. Justicia gratia tui kids. Et avant de passer en page sportive, certains des riverains de la réserve naturelle forestière de Mongé à cheval sur les communes Bugarama, Muhuta et Mukike se disent inquiétés par la cartographie de leur propriété faite à leur insu par l'OBPE. Ils redoutent une expropriation forcée au niveau de l'OBPE à Lumongé. On informe qu'il s'agit d'une cartographie visant la restauration de cette réserve naturelle actuellement sous pression démographique. Jean-Pierre Misako. Les informations obtenues de certains riverains de la réserve naturelle forestière de Mongé sur les collines de Bambo, Routeme, Zinginyaruyaga notamment, indiquent qu'ils ont été étonnés de voir des agents de l'Office burundais pour la protection de l'environnement commencer à géoréférencer les parcelles de leurs ancêtres sans leur aval. Ils disent qu'ils n'avaient même pas de mots à dire devant ces agents de l'OBPE qui n'avaient selon eux aucune intention de les écouter. Et pourtant, disent ces habitants, le consensus avec l'administration communale était que la quadrilogie devrait travailler en synergie lors de la délimitation de cette réserve. Ces habitants qui se disent avoir été écartés de cette opération craignent d'être expropriés de force et demandent plutôt d'être écoutés et indemnisés s'il s'avère que l'État burundais a besoin de ces parcelles. Obed Nineshwa, responsable provincial de l'OBPE à Lumongé, reconnaît que 3 équipes de cet office viennent de cartographier cette réserve. Il indique que tout le monde, depuis l'administration provinciale jusqu'à la sous-colline, était au courant de cette opération. Cependant, certains administratifs ont boudé cette opération à côté des habitants qui assistaient sans aucun mot à cette opération. Obed Nineshwa informe qu'il était question de cartographier cette réserve actuellement menacée de disparition pour fournir un rapport relatif en vue de la restaurer. Jean-Pierre Misago de Purumongé, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, page sportive. En bref, les matchs de 8e de finale de la CAN vont se poursuivre ce samedi. Le Cameroun, qui a 5 trophées dont le précédent, va rencontrer le Nigeria, Quatre trophées, ça sera à 18h, heure locale, un match qualifié comme une finale avant l'heure. Compte tenu du palmarès et de l'histoire des deux équipes en Coupe d'Afrique des Nations, et à 21h, il y aura le match qui opposera l'Égypte, pays organisateur de cette compétition, et l'Afrique du Sud qui aujourd'hui a un seul trophée de la CAN. Et parmi les matchs d'hier, le Bénin et le Sénégal se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Bénin a battu le Maroc dans la phase des pénaltys. Et le Sénégal a éliminé l'Ouganda par 1-0. Et l'Afrique de l'Est n'est plus représentée dans cette compétition. Point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaye pour la mise en onde. Eline Belnibigira, je vous l'ai présenté. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Mais tout de suite, j'appelle Isney Baliko pour la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Des cadeaux populistes, s'interroge le journal Iwacu dans son éditorial, se référant sur le discours à la nation du président de la République, sorti à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Cet hebdomadaire constate que les mesures annoncées par le chef de l'État dans son discours à la nation à cette occasion ont été diversement interprétées. Pour les uns, ses partisans, il est l'homme du peuple qui a pris à bras le corps ses aspirations profondes. En suspendant les contributions aux élections, il allège les charges qui accablent la population, adoucit la précarité dans laquelle vivent les travailleurs. Il a écouté la population, il a compris ceci, estime qu'en débaptisant certains lieux emblématiques comme l'aéroport, il fait montre de reconnaissance, de force, de conviction. Il diffère de ses prédécesseurs. Le président Ndadaye ne figurait que sur le billet de 10 000 francs. Pour eux, il réussit là où les autres ont échoué. Ses détracteurs, quant à eux, qualifient ces mesures de populistes, de stratégies persuasives à quelques mois avant les élections. En guise d'exemple, rapporte l'hebdomadaire, ils expliquent que le rétablissement des annales n'est que de la poudre aux yeux, car il n'est pas prévu dans le budget général, exercice 2019-2020, comme le stipule l'article 31, et de rappeler que dans le budget de 2015, le montant des annales était de 8,5 milliards de francs burundais. Il se demande dans les colonnes d'Iwacu, même s'il peut y avoir révision de la loi budgétaire, d'où viendrait cet argent, à moins que la population soit appelée à contribuer à travers une hausse des taxes et des impôts. Ce discours serait donc une rhétorique simpliste, populiste, selon l'éditorial. Pour les fonctionnaires qui peinent à joindre les deux bouts du mois, c'est une bouffée d'oxygène, poursuit-il. La commission technique qui va bientôt être mise en place pour se pencher sur la mise en exécution de la décision du dégel des annales tiendra compte des appréhensions de la population de plus en plus paupérisée, espère notre confrère. Revue de la presse. Le journal Burundi Echo revient aussi sur la suspension de collecte des contributions aux élections de 2020. Annoncé par le président de la République dans un discours à la nation. Notre confrère rappelle qu'à l'issue des élections de 2015, le gouvernement burundais a décidé de ne plus compter sur le financement extérieur. Dès lors, le gouvernement a décidé de se saisir de la question. Selon toujours notre confrère, mieux tard que jamais, le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, a suspendu la campagne de collecte de ses contributions lancée il y a à peine 2 ans. Ce journal est spécialisé dans les questions économiques, fait remarquer que c'est un offre de soulagement pour les fonctionnaires dont le salaire était amputé des frais alloués aux élections. Pour conclure, cet hebdomadaire note que le montant global des élections n'est pas encore connu. Philippe Nzobonariba, chargé de l'éducation électorale et la communication au sein de la CENI, déclare qu'un projet de budget de ces élections a été soumis au ministère des Finances ce qui est confirmé par le directeur du budget au dit ministère et qui fait savoir que le budget alloué aux élections de 2020 sera communiqué d'ici peu, lit-on dans les colonnes de Burundi Echo. La formation de l'élite a connu un pas de géant durant 57 ans d'indépendance, titre le journal La Voix de l'Enseignant. Il rappelle que l'enseignement secondaire colonial était aux mains des missionnaires. La plus importante école secondaire était le groupe scolaire d'Astrida, basé à Butare, fondé en 1929. Cette école devait former les auxiliaires de l'administration, candidats chefs, assistants médicaux, vétérinaires et agricoles, précise son confrère. Il note cependant la construction des écoles secondaires en 1954 comme le collège interracial de Sumbura, aujourd'hui lycée du Saint-Esprit, les Athénées de Bujumbura et Gitega, mais aussi l'école normale d'Ongagara. Contrairement aux écoles missionnaires, ces structures d'enseignement étaient laïques. Ce journal conclut aussi sur la nette évolution dans le secteur d'enseignement supérieur. Le grenier communautaire de Lutana rouvre ses portes, écrit l'agence burundaise de presse. Il était fermé depuis une année et quatre mois suite à un vol qui a été perpétré par ceux qui assuraient sa gestion. Aujourd'hui, la gestion a été confiée à la coopérative Sangwe, rapporte la BP. Ce grenier reçoit et conserve la production des agriculteurs des collines de Lutana, Gifunzo, Kayove, Rushungura, Gakobe, Jomati et une partie de Nyarubere, selon toujours la BP. Entre autres innovations, poursuit la BP, la gestion de ce grenier a été confiée à une seule personne. Il s'agit d'un travailleur qui sera payé par la coopérative Sangwe, contrairement au passé où la gestion était collégiale. L'agence burundaise de presse trouve qu'avant, il y avait du mal à savoir le responsable en cas de disparition des produits. Ainsi se referme cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été préparée par Eline Bel Nibigira et qu'il vous présente avec Isne Bariko. Excellent week-end à tous. À la prochaine.